Bonsoir, bonsoir, vous voici revenus dans la machine à son, vous avez bien fait, eh oui, dans la machine à son, vous êtes confortable, et il y a parfois du bon son, ce soir il va y avoir du bon son, eh oui, il faut que je vous raconte une petite histoire, parce que là c'est quand même assez extraordinaire. En fait, le professeur mirait depuis un certain temps des stocks dans un endroit, voilà, dans un magasin, machin, mais bon, voilà, propriétaire très... comment dire, circonspect, difficile d'accès, un peu gourmand, donc etc. Et donc récemment, il y a son amie magicienne, parce qu'il a une amie magicienne en fait, alors que moi je ne l'ai jamais vue, mais il m'a dit c'est normal, c'est une magicienne, donc elle se montre à qui elle veut. Bon, donc voilà, peut-être qu'à moi elle n'a pas voulu se montrer, donc je ne l'ai pas vue, mais bon, je sais qu'elle elle vient régulièrement voir le professeur, et ils font des trucs ensemble, de magie, de je ne sais pas quoi, des trucs du professeur, quoi. Et là, bref, elle était avec lui, et puis il passe devant cet endroit, et puis il lui dit, tu vas voir un peu, mes obsessions, fouiller dans des cartons de disques, mais là, ici, c'est un endroit difficile. Bon. Bref, il rentre, il commande, etc. Et il discute avec le propriétaire des lieux pour essayer de voir s'il y avait possibilité de trouver des arrangements sur certaines choses. Et en fait, mur de béton, difficile d'accès, impossible. Le prix, c'est le prix, etc. Et donc, du coup, la magicienne lui dit, ne t'inquiète pas. Il est allé voir la personne en question, lui a parlé un peu dans l'oreille. Et là, comme par enchantement, le personnage a changé. Il est allé chercher une pile perdue dans un coin, l'a amenée au professeur, et merveille, que des choses que le professeur adore. Donc pour un prix modique. Donc tout était fabuleux. Donc il est venu me voir cette semaine, il m'a balancé tout ça sur la table, il me dit voilà le matériel, et tout ça en une seule prise, etc. Enfin, tout un truc incroyable de chasseur. Ben oui, il est un peu chasseur quand même dans le fond. Pas sanguinaire, mais chasseur. Donc ce soir, en fait, on va essayer de faire quelque chose d'assez formidable. Et oui. On va s'intéresser au rhythm and blues, donc le rhythm and blues c'est quand même formidable, et la machine à son se veut une émission formidable, donc évidemment que ça peut que le faire. Alors il y a toujours ce micro qui fait un bruit d'enfer, mais c'est pas grave, ça fait partie du décorum, et c'est important, il faut revendiquer son amateurisme, même au bout de tant d'années. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc ce soir, ça va être que du 45 tours du professeur. Là, il en pleure, hein, tellement c'est un truc incroyable. Il est très sensible au fond de lui. Parce que tout à l'heure, on a discuté un peu. Mais ça lui fait tellement des trucs. Il pleure. C'est pas grave. De toute façon, il est loin. Donc, vous l'entendrez pas pleurer. Puisqu'après tout, c'est du rhythm and blues. Donc, c'est pas fait pour pleurer. Même si c'est pas toujours drôle ce qu'on raconte. Enfin, ce qu'il raconte. Donc, pour vous situer temporellement, ça va aller de, en gros, 48-49, il y en a pas mes F de cette époque, et jusqu'à avant 70, rassurez-vous. Voilà, et on finira même par des petits blancs largement inspirés. Donc, bienvenue dans cette émission qui se veut formidable, et en espérant qu'elle le soit. Well, my mama, she didn't love me. She had to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't love me. She had to stay out all night long. cause she didn't lie. I was boogie boogie in her house. When I first come to town, people, I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie, chula. I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah. I don't wanna be understanding, understanding is the best thing in the world. Understanding, understanding is the best thing in the world. Every time you see a man having trouble, nine times out of ten, or you don't get things right from the start, the battle stop and start over again. And get some understanding, understanding is the best thing in the world. Let me tell you, baby, understanding, understanding is the best thing in the world. Oh, it suits your body and it's good for your soul. Alors, je pense que ça y est, vous commencez à comprendre un petit peu quel est le, je dirais, le propos du soir. Formidable. Et oui, et oui, et oui, oui. La machine à son, c'est, ça a été, c'est et ça restera formidable. We'll be right back. and broke up my happy home. Sure gonna mess it up. Yes, I am. Sure gonna mess it up. Buy me a pistol and a nickel baseball bat. Don't bring my baby back. You're gonna mess it up. Yes, I am. Chair. Oh, people, that man, he done done me wrong. You're gonna mess it up. You're gonna mess it up. He done stole my woman. He broke up my happy home. Ouais, je vous l'avais dit en début d'émission que malgré la musique enjouée, c'était peut-être pas toujours super rigolo. Là, c'est une histoire. J'ai l'impression que vous m'entendez pas beaucoup, donc je monte le son. Voilà. Et ouais, là, c'est quand même une histoire. Le mec, il s'est fait un peu rouler par son pote, quoi. Mais bon, tout n'est pas comme ça quand même. Il n'y a pas que ça non plus. Il n'y a pas que du malheur dans le monde, mais il y en a quand même beaucoup. Mais parfois, tout va bien. Tout est fine. Baby, so don't go cry. Ooh, Lord, he loves me. devil that thinks a man is yellow. Hit me bad. You fight real hard to make things right, 'cause he's the only fella. Now, ain't that a groove? Ain't that a groove? Do you hear me, people? Ain't that a groove? Ah! Ain't that a groove? Look at here. I wanna know, do you love me? Yes, I love you. One more time, do you love me? Dig this. This will kill you. A little piece of money and plenty of love will keep everything together. Come on, man. Well, forget about the money. Plenty of love. And ain't that metal? Now ain't that a groove? Talk all day, but I want you to get the feeling. One more time. Give me that. Look at that thing. Uh-huh. I want to ask her, do you love me? Somebody's gotta love you. Et oui, rappelez-vous, ça c'est le maître mot de la machine à son. Aimez-vous les uns les autres, il faut aimer les gens, il faut aimer les autres. Voilà, la parole est dite. Je vous fais souffler un petit peu là, parce que je sens que ça y est, tout le monde est en sueur. Vous avez poussé tous les meubles, tout machin. Et voilà, en chaussettes ou pieds nus, vous êtes à fond, vous avez bien raison. Et les voisins, j'espère que, ben voilà, si ça leur plaît pas, qu'ils montent et qu'ils dansent avec vous. Eh oui, qu'ils viennent un petit peu taquiner. Ça y est, reposez un petit peu. Attendez, je monte le son. À chaque fois, je me fais avoir avec ce putain de bouton. Eh ouais, les boutons, c'est important, les boutons. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, reposez. Eh ben voilà, c'est reparti pour une petite demi-heure de formidable machine à son. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. No. Get out my eyes, children. I've got to see my way around. I've got to see my way around, yeah. Get out my life, honey. Nothing but a heartache by the pound. Get off my ladder, woman. I've got to climb up to the top. Get off my ladder, woman. be moving on. Call on me, yeah. I'm an all night worker, baby, you were just my speed. I'm an all night worker, baby, you were just my speed. And if the man don't have it, I got everything you need. Better like that. Services are guaranteed, or you get your money back. I'm an all-night worker, and it fits me to a T. And if you need some loving, baby, why don't you call on me? I'm an all-night worker. Yeah, yeah, yeah. I'm an all-night worker. Yeah, yeah, call on me, hey, hey, call on me, hey, hey, hey. mama's daughter, but she don't come around no more. He honey. Brother loved the neighbor's daughter, but she don't come around no more. He honey. Well, I told her that she done gone to Mexico. He honey. He honey. Now brother missed the neighbor's daughter. I wonder what he's gonna do. Hee-haw-nay. My brother missed the neighbor's daughter. Oh, I wonder what he's gonna do. Hee-haw-nay. Don't tell brother I told you, but I missed the neighbor's daughter too. The neighbor's daughter, but she don't come around no more. He honey. My brother loved the neighbor's daughter, no, but she don't come around no more. He honey. Well, I so heard that she's done gone to Mexico. He honey. He honey. Vous voyez, dans la machine à son, de temps en temps, il y a un peu comme qui dirait la face lente. Et oui, la face rapide, la face lente. C'est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang. Stay. put your flat feet on. Confusion, baby. Confusion. the man who is confused, confused as I. She keeps me guessing, confused. Oh me, oh my. One minute I'm happy, next minute I'm blue. Confusion, baby, I don't know what to do. I don't know whether I'm going or coming. I just don't understand this woman. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion. Oh. Confusion, baby. Confusion. Hey, hey. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion. Oh. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, j'ai retrouvé le micro parce que je vous parlais, en fait, j'avais pas monté de son. N'importe quoi, vraiment la machine à son, c'est formidable, mais c'est quand même n'importe quoi. Enfin, donc pas de confusion. Ce qui suit n'est que l'héritage de ce qui avait. Sweet love in, bring it on home to me. Oh yeah, you know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, pray to me, bring your sweet love in. Look me in the face. going back home. Get my old gal suit. Going back home. Get my old gal suit. You're a high price chick, and I got to let you go. I love you, baby. Just ain't got your price. Yes, baby. I got to let you go. That's why I'm going back home. Get my old gal suit. Aïe, aïe, aïe, désolé de couper comme ça impunément ce fabuleux morceau, mais bon, c'est bientôt la fin, et puis je voulais quand même vous citer ce que vous avez entendu ce soir. Donc, à partir du début, vous avez entendu Johnny Hooker, Boogie Chillin, 1949, incroyable. Joe Turner, c'était Lipstick Powder and Paint. Roy C, c'était High School Dropout. J'ai mis tous les disques à l'envers, alors je galère. Gino Washington, Understanding. Je me dépêche. Junior Walker, c'était donc Any Way You Wanna. Après, là, j'y vois rien. C'est Rufus Thomas, il me semble. Oui, tout à fait. Bravo. Il a gagné Messing Up. Après, Ike and Tina Turner. Et les Hi-Cats, So Fine. Voilà. James Brown, In That Groove. Est-ce que c'est pas groovy? Enfin, je sais plus ce qu'il raconte, en fait, mais c'est assez rigolo. Don Covey avec l'excellent Somebody Got to Love You. Les Marquez avec Grab This Thing. Voilà. Lee Dorsey avec Get Out My Life Woman. Eh oui, chanson un peu triste. Hein. Il est un peu désabusé des femmes. Rufus Thomas. Et All Night Worker, alors lui par contre il demande à bosser toute la nuit avec ses demoiselles. Call me, qui dit. Bobby Land, Good Time Charlie. Après nous avons donc Lee Dorsey, Confusion. Et Wilson Pickett, Mustang Sally. Non, c'était l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Carla Thomas, alors j'ai tout mélangé, Baby. Relee Dorsey avec Confusion. Alors avant c'était pas Confusion, c'était un autre, mais c'est pas grave, hein, vous retrouverez ça. The Animals avec Bring It On Home To Me. Oh là là, compliqué. Et The Animals, It's My Life. Et le dernier qui tourne encore sur la platine, je vais vous dire de suite, c'était Johnny Hooker, High Priced Woman. Voilà, la machine à son formidable, c'est terminé.